Chapitre 8. En ce temps-là, une grande foule s'était de nouveau assemblée. Comme elle n'avait rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit : J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. Si je les renvoie chez eux sans nourriture, ils vont tomber de faiblesse sur le chemin, car plusieurs d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Où pourrait-on trouver de quoi les nourrir tous dans cet endroit désert ? Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pain ? Et ils répondirent : 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis il prit les 7 pains, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer à la foule. Et les disciples les distribuèrent. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus remercia Dieu pour ses poissons et dit à ses disciples de les distribuer aussi. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or, il y avait là environ 4000 personnes. Puis Jésus les renvoya, monta aussitôt dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent et commencèrent à discuter avec Jésus. Pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent de montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Jésus soupira intérieurement et dit : Pourquoi les gens d'aujourd'hui demandent-ils un miracle ? Eh bien, je vous le déclare, aucun miracle ne leur sera donné. Puis il les quitta, remonta dans la barque et partit vers l'autre côté du lac. Les disciples avaient oublié de prendre de la nourriture et n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur fit alors cette recommandation : Faites attention, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples se dirent entre eux : Il parle ainsi parce que nous n'avons pas de pain. Jésus s'aperçut de ce qu'ils disaient et leur demanda : Pourquoi dites-vous : C'est parce que nous n'avons pas de pain ? Ne comprenez-vous pas encore ? Ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle fermée? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, demanda Jésus, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées? 7, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit : Et vous ne comprenez pas encore ? Ils arrivent à Bethsaïda. Là, on amène à Jésus un aveugle et on le prie de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis il met de la salive sur les yeux de cet homme, pose les mains sur lui et lui demande : Peux-tu voir quelque chose ? L'aveugle leva les yeux et dit : Je vois des hommes, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci regarde droit devant lui. Il était guéri. Il voyait tout clairement. Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant : Ne va pas dans le village. Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages de la région de Césarée de Philippe. En chemin, il leur demanda : Que disent les gens à mon sujet ? Ils lui répondirent : Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, et d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit : Tu es le Messie. Alors Jésus leur ordonna de n'en parler à personne. Ensuite, Jésus se mit à enseigner ses disciples en disant : Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort, et après 3 jours, il reviendra à la vie. Il leur disait cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et parla sévèrement à Pierre. Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Puis Jésus appela la foule et ses disciples et leur dit, Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter sa vie? Si donc un homme a honte de moi et de mes paroles au milieu des gens d'aujourd'hui qui sont infidèles à Dieu et font le mal, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus leur dit encore, « Je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. »